إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 38 et on va commencer aujourd'hui dans Al-Usul al-Thalatha, le Sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan, le troisième fondement, Al-Asl al-Thalith, c'est-à-dire en arabe Ma'rifatu Nabiyikum, Ma'rifatu Nabiyikum ou Ma'rifatu Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers points qu'on va expliquer, premièrement dans ce passage des paroles du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit ismuhu wa nasabuhu wa nash'atuhu, donc son nom, sa généalogie et sa, yani, comme si en voulant dire où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il a vécu. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Al-Asl al-Thalith, Ma'rifatu Nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu Al-Asl al-Thalith, ay من الأصول الثلاثة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة نبينا محمد بالأدلة صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول والثاني فقد تقدم شرحها وبيان أدلتها. Donc le cheikh il explique que al-usul al-thalatha, là on explique le troisième de ces fondements là. Au début de cette risala qu'on a tout commencé au tout début, on a dit que il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître les trois fondements. Et le cheikh il a dit que c'est de connaître Allah, de connaître la religion de l'islam et de connaître notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves. En ce qui concerne les deux premiers fondements, la connaissance d'Allah et la connaissance de l'islam, on en a déjà parlé et on l'a expliqué et clarifié avec les preuves. Maintenant, al-asl al-thalith wa huwa ma'rifatu an-nabi صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف تتبع شخصا ولا تعرفه؟ لا بد أن تعرفه من حيث الاسم ومن حيث البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره عليه الصلاة والسلام وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا، تعرفها أيضا قبل النبوة وبعدها، قبل الهجرة وبعد الهجرة، تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام ومتى ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على نبوته والآية التي تدل على رسالته. تأتي بالآيات التي تدل على نبوته والآيات التي تدل على رسالته، فلا بد أن تعرف هذا وتعرف نسبه من أي قبيلة، لأن العرب قبائل وهو عربي بلا شك، فلا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل، وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به. Donc le cheikh il dit que le troisième fondement c'est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission du message, alors il est obligatoire pour nous de le connaître. Et on a bien spécifié ici qu'il est un intermédiaire entre nous et Allah, mais pas dans l'adoration. Pas comme les chrétiens ou les juifs ou les autres qui adorent d'autres que Allah en les prenant comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ça c'est du shirk. On dit intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission de la révélation et du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un point très important, il faut distinguer entre les deux. Parce qu'il y en a une, il y a une wasita qui est shirk et une wasita qui est affirmée par la révélation et qui est claire. C'est la transmission du message. Donc il est obligatoire de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette raison. Sinon comment pouvons-nous suivre une personne sans le connaître? C'est pas possible. On ne peut pas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si on ne le connaît pas. Hein? Et le cheikh il dit, il faut donc le connaître dans le sens qu'on doit connaître son nom, on doit connaître le pays dans lequel il a vécu, l'endroit où il a grandi. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Hein, l'endroit où il a vécu, hein, et là où il est né, et le pays vers lequel il a émigré, hein, l'endroit où il a fait la hijra, et tu dois savoir également la durée de sa vie, combien de temps il a vécu. Ça c'est important, toutes ces choses-là, c'est des choses importantes. Et le cheikh il dit ensuite, et tu dois savoir aussi les différentes parties de sa vie. Parce que dans sa vie, il y a eu différentes étapes. Hein? Et donc tu dois connaître les différentes étapes de sa vie pendant qu'il est resté dans cette dunya. Tu dois savoir par exemple combien de temps il est resté avant la prophétie et combien de temps il a vécu après avoir reçu la prophétie. Et tu dois savoir également combien de temps il a vécu avant la hijra et combien de temps il a fait après la hijra, et ainsi de suite. Et tu dois savoir aussi comment la révélation a débuté, comment il a reçu la révélation pour la première fois, alayhi salatu wassalam. Et également, donc, tu dois savoir les versets qui indiquent et qui prouvent sa prophétie, et tu dois savoir aussi les versets qui prouvent qu'il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ramènes les preuves et les versets au sujet de sa prophétie et les preuves et les versets au sujet du fait qu'il est un messager envoyé d'Allah. Et tu dois savoir donc toutes ces choses-là. Tu dois savoir aussi son origine, sa généalogie, de quelle tribu il est, parce que les Arabes sont divisés en tribus. Hein. Et il est arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe, et ça il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il faut absolument connaître ces différentes choses, hein? Et tu dois les étudier les versets donc qui parlent de ces choses-là et qui clarifient ces informations-là. Et tu dois connaître aussi donc la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa biographie. Et tu dois connaître sa da'wah, hein, comment il a invité les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de connaître donc toutes ces choses-là au sujet de ton prophète, celui que tu es ordonné de suivre et de prendre comme modèle et exemple. Donc, ça c'est l'introduction. Ensuite, le cheikh il dit « Wa huwa Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim min Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab. Wa al-Arab min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Alayhi wa ala nabiyyina afdalu s-salatu wa s-salam. » Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit que son nom c'est Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, de la tribu de Quraysh. Et Quraysh est une tribu parmi les tribus des Arabes, et les Arabes font partie des enfants de Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil. Donc, ensuite le cheikh dit, et que la paix et le salut et la bénédiction soient sur lui, c'est-à-dire sur Ibrahim, et sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un résumé de la généalogie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que sinon on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Là on a cité le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père, son arrière-grand-père, c'est tout. Mais on peut reculer jusqu'à 20 de ses descendants et même plus encore. Donc les 20 premiers, comme les ulama ont expliqué, ceux-là on est certain. Mais ceux qui viennent après, entre Ibrahim alayhi salam jusqu'à le 20e de la généalogie, là il y a des incertitudes, mais sinon du 20e jusqu'au prophète sallallahu alayhi salam, ça c'est les 20 noms qui sont connus dans sa généalogie. Ensuite donc le cheikh il dit, pour expliquer cette partie-là, le cheikh Al-Fawzan, il dit « هَذَا اسْمُهُ وَنَسَبُهُ اسْمُهُ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَهُ أَسْمَاءٌ غَيْرُ مُحَمَّدْ وَلَكِنْ أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ مُحَمَّدْ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَقَوْلُهُ وما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات. Donc le cheikh il explique que son nom et c'est son nom, on vient de mentionner son nom et sa généalogie. Son nom c'est Muhammad عليه الصلاة والسلام. Mais il a beaucoup d'autres noms, autres que Muhammad. Sauf que Muhammad c'est le nom le plus célèbre, le plus connu de ces noms. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran ce nom-là. Parmi les noms, il a mentionné donc parmi les versets où on mentionne ce nom-là, le verset 29 dans Surat Al-Fath. Hein, Muhammad est le messager d'Allah. Le verset 144 dans Surat Al-Imran. Muhammad n'est qu'un messager. Muhammad n'est qu'un messager. Et avant lui, il y a eu beaucoup d'autres messagers. Afwan et Akhi, Youssef. C'est pas correct dans un cours que on s'allonge ou on se mette comme ça. Par respect pour le cours. Par respect pour le cours, c'est mieux de rester assis. Barakallahu fik. Ça va t'aider à rester réveillé puis plus concentré, parce que si tu t'allonges, c'est sûr que tu peux te laisser tomber dans le sommeil. Le verset ensuite, le verset 40 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. Et ensuite le verset 2 dans Sourate Muhammad, et ceux qui ont cru hein, Allah, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui ont cru en ce qui a été révélé sur Muhammad, qui est la vérité venant de leur Seigneur. Donc, on voit que le nom Muhammad, il est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. وَمِنْ أَسْمَائِهِ أَحْمَدُ وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ فِي بِشَارَةِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Donc on voit aussi dans le Coran la mention d'un autre des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ahmad, comme dans le verset 6 qu'on vient de lire dans Surat As-Saff. Et il est mentionné dans quel contexte? Il est mentionné dans le contexte de l'annonce de Isa al-Masih, lorsque Isa annonce à son peuple la venue d'un prophète après lui qui s'appelle Ahmad. فهو محمد وأحمد ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليها ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة يعني الجهاد في سبيل الله والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس بعد بعثته لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام فليس بعده إلا قيام الساعة. Donc le cheikh il dit que on l'appelle donc Muhammad, on l'appelle Ahmad, et la signification de ce nom, la signification de Muhammad et de Ahmad, c'est un nom qui signifie qu'il a beaucoup de belles qualités. C'est quelqu'un qui possède beaucoup de caractéristiques et de qualités louables et glorifiable. Donc, on dit que Muhammad, ça veut dire la personne qui possède beaucoup de caractéristiques et beaucoup de qualités louables, qui fait qu'il mérite d'être loué, ou disons que il possède des caractéristiques qui font en sorte que ces caractéristiques-là font en sorte qu'il est glorifié à cause de ces caractéristiques. Et parmi ces noms, il y a aussi le prophète de la miséricorde et le prophète de la lutte dans le sentier d'Allah, du jihad fi sabilillah, nabiyul malhama, et aussi al-hashir et al-aqib. Al-hashir, celui qui va rassembler les gens vont se rassembler, celui qui va rassembler les gens au jour de la résurrection. Et c'est lui qui vient juste à la fin des temps. Après lui, il y a le jugement dernier. C'est le dernier des prophètes. فَبَعْدَ رِسَالَتِهِ تَقُومُ السَّاعَةِ وَيُحْشَرُ النَّاسُ لِلْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُلِمَّ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. Et le cheikh il dit que après son message, après le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'heure du jugement dernier est établie et les hommes sont rassemblés et Allah subhanahu wa ta'ala va juger les hommes et les rétribuer et les juger. Donc celui qui, le cheikh dit, celui qui veut avoir plus de détails et plus de clarifications, plus d'explications à ce sujet, il conseille aux gens de retourner à un livre qui s'intitule Jala'ul Afham fi salati wa salam ala khayri l'anam, écrit par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc il dit que ça c'est un bon livre à ce sujet-là, Jala'ul Afham. OK. أما نسبه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أو ابن كلاب وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام والعرب على قسمين في المشهور العرب العاربة وهم القحطانية والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. Donc le cheikh il explique que la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom c'est Muhammad, comme on a dit, fils de Abdullah, fils d'Abdullah, son père s'appelle Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib c'est son grand-père, et son arrière-grand-père s'appelle Hashim, et son arrière-arrière-grand-père s'appelle Abdou Manaf, et son arrière-arrière-arrière-grand-père s'appelle Qusay, et l'autre après s'appelle Kilab, et ça continue encore, mais le cheikh il s'est arrêté ici. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième grand-père. وهو من قبيلة قريش. Donc il est de la tribu de Quraysh. Et Quraysh est une des tribus les plus nobles parmi les tribus des Arabes. Et Quraysh est descendante des enfants d'Ismaïl alayhi salam. Les Arabes sont divisés en deux catégories, selon qu'est-ce qui est connu. Les Arabes sont divisés en deux catégories très célèbres. La première catégorie, c'est Al-Arab Al-Ariba, ce qu'on appelle Al-Qahtaniya. Ils sont descendants de Qahtan. C'est les Arabes, si on veut, les Arabes arabisants, les Arabes d'origine. Et il y a les Arabes arabisés, Al-Arab Al-Musta'araba, qu'on appelle Adnaniya, Adnan, qui descend de Adnan. Donc le premier, c'est les Arabes arabisants, qui sont les Arabes d'origine, de Qahtan, eux ils viennent de Qahtan, et ceux qui viennent de Adnan, c'est les Arabes arabisés, ils ont été arabisés. Le cheikh il explique que Al-Adnaniya, c'est eux qui sont des descendants de Ismaïl, alayhi salam. Parce qu'Ismaïl, c'est pas un arabe, hein, à l'origine. Tout comme Ibrahim, alayhi salam. Hein. C'est pas à l'origine des arabes. Mais ils ont été arabisés. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Summu bil musta'araba. لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير ولما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة وتزوج من جرهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة وهي العدنانية أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن. Donc le cheikh explique que on les appelle arabisés, l'Adnaniya, hein, on les appelle arabisés, les descendants d'Ismaïl. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris l'arabe avec les arabes arabisants. Lorsque Jurhum, une tribu qui s'appelle Jurhum, est venue à Mecca, ils ont trouvé Hajar, hein, avec son fils Ismaïl. Il était bébé à l'époque, c'était un bébé encore. Et donc ils ont trouvé la fontaine ou l'eau de Zamzam et ils se sont installés là-bas et ils se sont entendus avec Hajar pour pouvoir s'installer à cet endroit-là pour qu'elle leur permette de prendre de l'eau et de s'abreuver de cette eau-là de Zamzam. Ismaïl alayhi salam, à cette époque-là, il était un tout petit bébé. Il buvait encore du lait de sa mère. Et il a été élevé et il a grandi et il a appris l'arabe de Jurhum, qui est une tribu parmi les tribus des arabisants, c'est-à-dire les arabes d'origine. Et il s'est marié de cette tribu-là. c'est-à-dire il a pris une femme de la tribu de Jurhum. Et ses enfants ont appris l'arabe et ils ont grandi avec les arabes. Donc ils sont devenus arabisés avec le temps. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle Al-Adnaniya. Tandis que les arabisants d'origine, eux sont Al-Qahtaniya. On les appelle Qahtaniya parce qu'ils sont descendants de Qahtan. Et à l'origine, ils viennent du Yémen. Ils viennent du Yémen. Le cheikh dit « Wa ba'du al-ulama yaqul al-arab al-ariba ala qismain, arab ba'ida wa arab baqiya. Al-arab al-ba'ida hum alladhina halaku wa hum qawm Nuh wa 'Ad wa Samud wa Shu'ayb wa amma al-arab al-badiya al-baqiya فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة وهي العرب الباقية والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. Donc il dit que certains savants ils divisent les Arabes arabisés en deux catégories, les Arabes qui sont c'est-à-dire les Arabes qui ne sont plus et les Arabes qui sont restés. Les Arabes qui ne sont plus, c'est-à-dire ils ont péri. Ces Arabes-là, ils n'existent plus, c'est-à-dire le peuple de Noé, le peuple de Had, le peuple de Samoud, le peuple de Shu'aib, ceux-là sont, hein, c'est-à-dire ils n'ont plus laissé de traces maintenant. Et les Arabes qui sont restés, c'est-à-dire, c'est eux qui sont divisés en deux catégories, les Arabisants et les Arabisés. Et c'est les tribus qu'on appelle Al-Baqiya qui sont restées parmi les Arabes. Les autres, ils n'existent plus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est donc d'une de ces tribus, parmi les tribus des Arabes aujourd'hui, de son époque, qu'on appelait Banu Hashim, ou bien de la tribu de Hashim. Et Hashim fait partie de Quraysh, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils sont des descendants de Ismaïl, alayhi salam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son nom c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Le cheikh, il explique maintenant qui était Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, laysa hada ismuh. اسمه شيبة ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه عبد المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار فلما رآه الناس أسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب فقالوا عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل. Donc le cheikh explique que Abdul Muttalib, c'est pas son vrai nom. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdul Muttalib, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom c'était Shayba. Abdul Muttalib s'appelait Shayba. Mais on l'a appelé Abdul Muttalib. Pourquoi? Parce que lorsque son oncle l'a ramené, Al-Muttalib, il a ramené Shayba avec lui. Et c'est son oncle Al-Muttalib, le fils d'Abdou Manaf. Il est venu à Médine et il l'a ramené quand il était tout petit. Il l'a ramené de Médine vers la Mecque alors qu'il était tout petit. Et il l'a ramené de chez ses oncles, de Bani Nadjar. Lorsque les gens l'ont vu arriver du voyage, il avait pris beaucoup de soleil, donc il était devenu bronzé, très, très brun. Et donc, ils ont cru que c'était un esclave de Al-Muttalib. Alors, ils l'ont appelé عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. Et عبد مناف, donc il avait quatre enfants. عبد مناف, il avait quatre enfants. Parmi ces quatre enfants, il y avait هاشم, qui est un des grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son arrière-grand-père, donc هاشم. Le deuxième, c'était Al-Muttalib. Le troisième, c'était Abdushams. Et le quatrième, c'était Nawfal. Ça, c'était l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses trois frères. L'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom, c'était هاشم, et ses trois frères, Al-Muttalib, Abdushams et Nawfal. Et là, donc, le père de ces quatre enfants-là, c'était Abdumanaf. Donc, Abdumanaf, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Banu هاشم, يقال لهم الهاشميون. وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون. وأما عبد شمس فمنهم عثمان رضي الله عنه ومنهم بنو أمية هؤلاء من بني عبد شمس ونوفل كذلك له ذرية منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام. Donc les fils de هاشم, on les appelle des هاشميين. Hashmiyoun. Et les fils de Ibn al-Muttalib, on les appelle al-Matlabiyoun. Et Abdushams, parmi ses descendants, il y a Othman. Othman est le descendant de Abdushams. Et c'est de ceux-là, ou c'est de lui que descendent Bani Umayya. Bani Umayya, ils descendent de Abdushams. Et Nawfal, qui est le quatrième, il a aussi, lui aussi, des enfants. Parmi ses enfants, il y a Jubayr ibn Mat'am et Hukaym ibn Hizam. Donc ça, c'est les noms des descendants de عبد مناف. Et c'est important de savoir ça parce que c'est les liens de la parenté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite wa ibrahim alayhi salatu wa salam lahu isma'il wa huwa al akbar wa huwa jaddu al arab al adnaniya wa ishaq wa huwa jaddu bani israil وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. Bon, Ibrahim عليه السلام il avait deux fils, comme on sait. Le plus grand c'était Ismaïl, et c'est lui le père ou le grand-père, si on veut, l'ancêtre des Arabes de Adnan, Adnaniya, les Arabisés. Et Ishaq, c'est, si on veut, l'ancêtre de Bani Israël. Ok? Et tous les prophètes sont descendants de Ishaq, excepté notre prophète. Tous les prophètes sont descendants de Ishaq, excepté notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il est descendant de Ismaïl, Donc, il est des enfants d'Ismaïl, et c'est le dernier d'entre les prophètes. Amma mawliduhu, faqad wulida sallallahu alayhi wa sallam am al-fil, wa huwa al-am alladhi ja'a fihi Abraha, malik al-Yaman. Intadaba malik al-Habasha, liyahdim al-Ka'ba. « ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم. فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس أو المغمس ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة وتفرق أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم به، فأراد أن يتوجهوا إلى الكعبة فانحبس الفيل وأبى أن يقوم من الأرض، حبسه الله. فإذا وجه إلى غير جهة مكة قام وهرول، وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس ولم يستطع المشي. Donc le cheikh explique que l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'année de l'éléphant. On appelle Amul Fil. Pourquoi on l'appelle l'année de l'éléphant? C'est parce que c'est l'année dans laquelle le roi du Yémen, qui s'appelait Abraha, est venu pour essayer de... il avait été envoyé par le roi de l'Éthiopie pour faire détruire la Kaaba. Il voulait faire détruire la Kaaba. Donc, il a ramené avec lui un gros éléphant pour détruire la Kaaba. Et lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, un endroit qu'on appelle Al-Muhammas, il restait juste une petite distance pour rentrer à Mecca et pour détruire la Kaaba. Et les gens de la Mecque, eux, se sont dispersés, se sont tous éparpillés, ils sont montés dans les montagnes parce qu'ils n'étaient pas capables de l'arrêter, de l'empêcher. Alors, Abraha s'est dirigé vers la Kaaba, mais son éléphant a refusé d'avancer. Il a refusé de se lever. Allah subhanahu wa ta'ala l'a retenu. Quand il se tournait dans une autre direction, l'éléphant avançait. Mais quand il se tournait dans la direction de Mecca, il restait sur place, il ne bougeait plus. Il n'était pas capable d'avancer. وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ رَأَوْ فَرْقَانُ طَيْرٍ مِنْ قِبَلِ الْبَحَرِ مَعَهُمْ حِجَارَةٌ كُلُّ طَائِرٍ مَعَهُ حَجَرَانٌ حجر في منقاره وحجر في رجليه فرمتهم فصارت الحصات تضرب هامة الرجل أو هامة نعم فتخرج من دبره وتشقه إلى نصفين فأهلكهم الله فأنزل الله في ذلك يذكر قريشا سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم والعياذ بالله فجعلهم كعصف مأكول أصبحوا مثل الطبن الذي أكلته الدواب Subhanallah. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Juste à ce moment-là, ils ne pouvaient plus avancer. Juste à ce moment-là, ils ont vu des oiseaux arriver de la direction de la mer avec eux des pierres. Chaque oiseau, il avait deux pierres. Une dans ses serres, une dans sa bouche. Et ils sont arrivés et lorsqu'ils sont arrivés sur l'armée de Abraha avec son éléphant, eh bien, ils ont lancé leur roche, ou bien plutôt leur pierre, et lorsque la pierre les frappait, elle les coupait en deux. Et ils ont tous péri. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre justement un verset pour rappeler à Quraysh cet événement-là qu'on appelle Suratul Fil, la sourate de l'éléphant, dans le Coran, qui est une sourate très connue. N'as-tu pas vu que ce que ton Seigneur a fait des compagnons de l'éléphant ou des gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur complot à vain? Et il a envoyé contre eux des oiseaux qui leur lancent des pierres de l'enfer, et qui les fait devenir comme de la paille mâchée. Ou bien des choses que les animaux ont mangé, yani, qu'est-ce qui reste. Donc c'est ça qui, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé comme sort. فهذه قصة الفيل حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار وفي هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم وظهر مع ولادته آيات حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنام وارتجى إيوان كسرى وسقطت منه شرقات شرفات وفي ليلة ولادته أو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. Donc le cheikh explique que, donc ça c'est l'histoire de l'éléphant et comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé et protégé la Kaaba et comment il a fait périr ce tyran. Et dans cette année-là, l'année dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, il y a plusieurs signes qui sont apparus pour indiquer sa naissance et pour montrer qu'il était né. Parmi ces signes, une lumière qui a brillé des palais de la Syrie. Et dans la nuit de sa naissance également, les idoles ont tremblé. Et beaucoup de choses donc se sont produites de ce genre pour indiquer dans cette nuit-là, la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que il était venu au monde. Et chez les djinns, chez la shayatine, il y a eu, lors de la nuit de sa naissance, un grand bruit aussi. Il est né à Mecca, dans un endroit qu'on appelle Shu'ab ou Sha'ab. C'était un cimetière de près de la Kaaba. Près du cimetière de la Kaaba. Et il est né dans un endroit à Mecca, mais on ne connaît pas l'exact endroit où il est né, la maison exacte où il est né. Parce que si vous allez à Mecca aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris un petit bureau, près du haram, et c'est un genre de bureau comme une petite bibliothèque ou quelque chose comme ça, et les gens ils se rassemblent à cet endroit là pour aller faire des raka'at, on est comme ça, pour faire des raka'at et pour prier à cet endroit là et ils pensent qu'il y a un mérite de prier à cet endroit là et dernièrement justement quand j'étais parti faire la umrah, je suis passé à côté de cet endroit là j'ai vu plein de gens attroupés devant la porte. Alors, je me rappelle plus, Yanni. Donc, Yanni, j'ai vu les gens attroupés à cet endroit-là. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient parce que c'était un bureau avec comme une librairie. Alors, je me disais que peut-être qu'ils distribuaient des livres. Donc, je voulais voir s'ils distribuaient des livres. Et puis, je voyais qu'ils distribuaient rien du tout. Mais les gens, ils attendaient leur tour pour pouvoir prier raka'atayn dans cet endroit-là. Alors j'ai demandé à des gens qui étaient là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dit, ben on attend pour faire raka'atayn ici. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit, parce que c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Donc eux, ils croient que vraiment c'était cet endroit-là. Alors que depuis l'époque, beaucoup de choses ont changé là-bas. Et donc, on ne peut pas savoir exactement est-ce que c'était là ou ailleurs. Et non seulement ça, ce n'est pas spécifié. Et même si on le savait, est-ce que ça justifie qu'on puisse faire des raka'at à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un dalil dans le Coran ou dans la Sunna qui nous indique qu'on doit prier à un endroit spécifique ou particulier? Non. Donc, ça devient parmi les innovations que les gens font, yani. Ala maqrabatin. Et n'a moulida fi makanin yuqalu lahu shu'ab ala maqrabatin min al-Ka'ba. ولد في مكة ولكن لا يوجد تحديد ثابت لموضع الدار. Donc il est né dans un endroit qui est rapproché de la Kaaba, hein, dans une des places proches de la Kaaba, mais l'endroit spécifique c'est pas confirmé et on peut pas savoir exactement où se trouvait cette maison là, hein. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: وله من العمر 63 سنة 40 قبل الهجرة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرة. Donc le Cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Il a été envoyé comme prophète par le verset qui lui a été révélé, Iqra, lis, hein, l'ordre de lire. Donc on va lire cette explication là. Cheikh Al-Fawzan il dit: فهو ولد في مكة صلى الله عليه وسلم واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية ومات عبد الله أبوه وهو في بطن أمه ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل فحضنته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه وصار في كفالة جده عبد المطلب. Donc il dit le Cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à Mecca et il a été allaité par Halima al-Sa'diyya, une femme de Bani Sa'd, parce que c'était dans la tradition chez les Arabes à l'époque, lorsqu'ils avaient des enfants, surtout chez les nobles, parmi les gens de Quraysh, d'envoyer leurs enfants dans le désert pour recevoir leur éducation et en même temps aussi pour respirer de l'air du désert pour qu'ils deviennent plus forts, et ils se font allaiter là-bas, hein. Donc il est allé donc faire son sevrage, hein, durant ces années-là quand il était bébé dans le désert avec Halima al-Sa'diyya. Et son père Abdullah est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère, donc il était orphelin. Son père est mort avant sa naissance et sa mère elle est décédée quelque temps après sa naissance. Donc c'est Ayman al-Habashiya qui l'a élevé, qui s'en est occupé lorsque yani, il était tout petit, au tout début. Ayman al-Habashiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hérité de Ayman, pardon, Ayman, la mère de Ayman. Donc il a hérité de Ayman de son père. Donc c'était une esclave de son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a hérité d'elle. Et c'est elle qui l'a gardé quand il était bébé au tout début. Puis ensuite, il a été sous la charge de son oncle, ou plutôt de son grand-père. Attends, il dit de son min jaddihi, kafalati jaddihi, c'est son oncle en fait. Mais il a été pris en charge par la suite par Abdul Muttalib, son grand-père. Donc c'est son grand-père qui s'en est occupé en premier. Après Ayman, c'est celui qui avait la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son grand-père Abdul Muttalib. ثم مات عبد المطلب وانطلقت وانتقلت عفوا ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عبادة الأصنام وتجنب شرب الخمر وما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهلية بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العدد ويعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. Donc, le cheikh il dit que après la mort de Abdul Muttalib, son grand-père, c'est son oncle qui a pris sa charge. Il a été pris en charge par son oncle Abu Talib. Il a vécu 40 ans avant la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était connu avec certaines caractéristiques. Même avant d'être un prophète, il était connu par certaines caractéristiques par les gens. Par exemple, Al-Amana, il était Amin. Il était quelqu'un d'honnête, fiable, véridique, généreux, honorable. Il s'écartait des idoles, il s'écartait de l'alcool et il n'agissait pas de la même manière que les gens de la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'écartait des gens, il allait dans la caverne qu'on appelle la caverne de Hira. Et à cet endroit-là, il s'adonnait à des adorations d'Allah. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion d'Abraham, c'est-à-dire selon le Tawhid. Donc, il était sur la religion du Tawhid. ثم بلغ الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة فضمه ضمة شديدة ثم أرسله قال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه مرة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint 40 ans, il a reçu la révélation de la part de Jibril alayhi salam, alors qu'il était dans la caverne de Hira. Alors à ce moment-là, Jibril est venu, il lui a dit Iqra, ça veut dire lis ou récite. Hein? Et il a répondu, le professeur sallam a répondu, je ne sais pas lire. Hein? Alors il l'a pris, Jibril l'a pris et il l'a serré très très fort contre lui, hein, il l'a écrasé, hein, avec, et il l'a relâché, hein, il l'a relancé et il lui a dit lis encore une fois. Et le prophète s'en somme une deuxième fois, il a répété je ne sais pas lire. Alors il lui a fait la même chose, il l'a encore une fois serré fort et puis il l'a relâché encore. Et il a dit « Lis !» une troisième fois. Et il a dit « Je ne sais pas lire. » Alors, à ce moment-là, il a commencé à lui dire encore une fois « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq » C'est-à-dire « Lis par le nom de ton Seigneur qui t'a créé, hein, qui a créé l'homme, hein, d'une alaq. » Donc ça, c'est le début de la révélation. Et ces versets-là, on les retrouve dans Sourate Al-Alaq, justement. هَذِهِ هِيَ نُبُوَّتُهُ صلى الله عليه وسلم نَبَّأَهُ اللَّهُ بِإِقْرَأَ أي جعله نبيا بذلك، ثم ذهب إلى بيته يرتجف من الخوف لأنه لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل، أمرا هائلا. فوجد زوجه خديجة رضي الله عنها فغطته وهدهته وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم ولتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فوطأته وذهبت به إلى ابن عمها، ورقة بن نوفل، وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعبدا لله عز وجل، فلما أخبره بما رأى قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. Donc, ça c'est le début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu prophète par ce verset. Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un prophète par cette révélation-là quand elle a commencé. Et il est parti de cet endroit-là jusqu'à chez lui, jusque dans sa maison. Il tremblait. Il tremblait de peur parce qu'il vient de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, quelque chose d'effrayant. Et il a trouvé à la maison donc son épouse Khadija, et elle l'a recouvert, d'un vêtement ou d'une couverture, et puis elle lui a dit: non, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'abandonner, ne va pas t'humilier, car tu gardes des liens de parenté et tu es bon envers tes invités. Hein? Et elle lui a mentionné donc toutes sortes de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parmi les bonnes choses. En voulant dire ça, ce sont des signes, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'humilier. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle l'a amené vers son oncle, Waraqa Ibn Nawfil, pour lui expliquer, pour qu'il voit qu'est-ce qui est arrivé avec lui, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc elle lui a expliqué qu'est-ce qui était arrivé, et lui c'était un homme qui était parmi ceux qui avaient lu les livres précédents. Il avait lu les livres précédents et il avait lu ça par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il avait une certaine connaissance des livres. Et il lui a donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de ce qu'il avait vu. Il a dit: ça c'est les signes, parmi les signes de qu'est-ce qui était révélé à Moussa alayhi salam. Hein? Et c'est l'exemple de ce qui était révélé à Moussa et qu'est-ce qui lui venait, c'est-à-dire l'exemple de ce qui était venu à Moussa, en voulant dire l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. C'est lui qui venait à Moussa et c'est lui qui vient au prophète pour leur donner la révélation. Donc ça c'est à ce sujet-là. Wa ursila bil muddassir, c'est-à-dire il a été envoyé comme messager par la suite lors de la deuxième révélation qui lui a été envoyée, et c'est Surat al-Muddassir au début, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'avertir et il l'envoie dans sa mission. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, puis au prochain cours bi'idhnillah on expliquera la suite. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.